Il fait pas beau au fond du métro. Je rentre du bureau, mes 8 heures sur le dos. Cette fille qui rigole, c'est pas vraiment drôle. Je file en urgence à la correspondance. Qu'est-ce qui reste de nous? Qu'est-ce qui reste de moi? Je sais pas vous, mais moi, je comprends pas tout ce qui se passe. Noyé dans la masse, station Montparnasse, encore une panne de lumière au métro Voltaire. Cette fille qui se colle, tout d'un coup s'envole. J'ai vraiment pas de chance à la correspondance. Qu'est-ce qui reste de nous? Qu'est-ce qui reste de moi? Je sais pas vous, mais moi, je comprends pas tout ce qui se passe. Je mate à travers la glace, dans le métro d'en face. Ce type dans la lumière me ressemble comme un frère. Cette fille qui s'affole, y a son talon qui se décolle. Je ravale ma souffrance. Voilà la correspondance. Mais qu'est-ce qui reste de nous? Qu'est-ce qui reste de moi? Je sais pas vous, mais moi, je comprends pas tout ce qui se passe. Ouais, qu'est-ce qui reste de nous? Qu'est-ce qui reste de moi et de vous? Est-ce qu'on a bien toute notre place?